je t'en prie, attends un peu. Au début, c'est tout bizarre de vivre à deux. Patiente au moins, jusqu'à la première échographie. Découvrir la vie de ta vie. Que si tu te sens toute chose, c'est parce qu'au-dedans, il explose de joie. Qu'il se sent tellement peinard, comme dans un bon plumard chez toi. L'or à tes yeux sera sûrement écolo. Cherchera or matelot. Poète, il jouera peut-être de la musique. Sera président de la République. Plus personne n'aura la dalle. Il cassera le système à deux balles. Et ses lois qui refusent aux plus petits le droit d'entrer dans la vie sans visa. Le planning est ta faute. Ta famille c'est la zone. Et lui, il a plus que toi. Allez, donne ton ventre, garçon ou fille. Allez, donne le bout de vie qui est en toi. Allez, donne les critiques de ta famille qui font comme s'ils savaient pas que l'amour de ce petit roi, son amour peut accomplir des merveilles. Que l'amour qu'il te donnera tendra plus fort que Popeye. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne, donne, donne. Donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne, donne, donne. T'as peur qu'il soit pas vraiment heureux, même si t'as mis la charrue avant les bœufs. La peur du vide, c'est fait pour les terriens heureux. Ce que tu vis a un grand sens dans les cieux. Chez les anges et le désordre, y'a même plus de service d'ordre. C'est les mois. Pour la vie, y'a qu'une méthode. C'est qu'il n'y a pas de méthode, crois-moi. Je n'ai pas d'autres conseils à donner. Le mieux pour toi, c'est de le garder, je te le jure. Te voilà, créatrice d'éternité, porteuse du diamant le plus pur. Ta vie sera pas un scénar à la petite maison dans la prairie. Ça sera pas non plus un polar où les juges et les top cartes auront meurtri. Donne-lui sa chanson, la donne et aussi éthérente. Ça m'est tout. Allez, donne le bout de vie qui est en toi. Allez, donne les critiques de ta famille qui font comme s'ils savaient pas que l'amour de ce petit roi, son amour peut accomplir tes merveilles. Que l'amour qu'il te donnera tendra plus fort que Popeye. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne, donne, donne. Donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne, donne, donne. Donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne, donne, donne. Donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne, donne, donne. Donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne, donne, donne. Donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Allez, donne ton amour tous les jours. Donne, donne, donne, donne, donne.